Voici le signal horaire du Conseil national de recherche du Canada. Au début du très prolongé de David qui crie, il sera exactement 12h42, heure avancée ou normale de l'Internet. Ah! C'est donc ben lettre, ça! Quelque part dans le vaste monde, la brigade SNW fait semblant de pirater le 64,2 FM pour répandre le rayonnement et l'enchantement. Comment ça qu'on n'a pas de toune? Ben, parce que c'est pas préparé. Ah, mais oui, c'est un nouveau format de podcast. Là, ouais, là. Ça sonne un peu fake, ton affaire. Hein? Ouais. Ouais, c'est parce que je voulais juste préciser que c'est un nouveau type de podcast. Ouais, on sait. En fait, tout le monde chiale toujours « Ah, vos podcasts sont trop longs » parce que, ben, on a beaucoup de choses à dire, fait qu'on a décidé que, oui, encore une fois, on allait changer le format du podcast. Ouais, on fait ça souvent, hein. Ouais, surtout depuis, genre, 2 mois. Ouais, ben, depuis les 2 derniers, là, il y a pas mal de changements. Genre, ménage, là, pis... Alors, donc, ça, c'est la première d'une série de beaucoup de podcasts où on a décidé de pas les préparer d'avance, ce qui risque d'être très poche. Mais au moins, on s'est mis un micro-ondes de la mort. Ouais, là, il y a le micro-ondes de la mort qui va comme exploser dans 15 minutes. Il reste combien de temps là, sur le micro-ondes de la mort? 13 minutes. 16? 13. 13, ok. Il peut pas durer 16 minutes s'il y en a plein, genre. J'avais mal compris. Parce que ça fait qu'en gros, on a décidé qu'on faisait comme... On allait changer le format, comme pour faire des podcasts pas préparés, comme un par semaine, là, qui durera pas plus que 15 minutes, parce qu'anyway, le micro-ondes de la mort va nous tuer. Ouais, le micro-ondes de la mort, quand il sonne, ça veut dire qu'il reste 1 minute avant qu'il explose, pis qu'il nous décharge toute une tonne de radioactivité. Fait qu'on a 1 minute, genre, pour conclure avant d'avoir de l'air d'un petit dîner congelé, mais genre cuit. Ouais, il y a juste une affaire, par exemple. C'est que moi, je suis bien plus chanceux que toi. Parce que le micro-ondes de la mort, il est de ton bord. Ouais, mais le micro-ondes de la mort, il meurt en maudit. Ah, il meurt jusqu'à repas? Ah ouais, non, mais jusque chez toi. Il meurt jusque chez nous. Ouais, il va mourir jusque chez vous. C'est quoi, il va voyager par le téléphone? Exactement. Oh, c'est dangereux. Mais, parce que... Mais, pis ça, pis qu'est-ce qui va arriver, dans le fond, avec le vieux podcast, là, parce qu'on le sait, vous tripez sur ma toune. Il tombe dans les vidanges. Comment? Il tombe dans les vidanges. Non, il s'en va au recyclage. On va faire des capsules. Des capsules? Ouais, des capsules pour la gorge? Oh, des capsules de yoga okay. Pour la gorge, avec de la vitamine Joe C. Joe poche. Coton-tige. Ouais. C'est ça, on verra bien que ça va donner. Ouais, c'est ça, on a comme des idées, genre faire des chroniques mélangées avec des niaiseries, puis des tunes. Puis idéalement, cool. On va en faire un par semaine aussi. Fait que là, dans les prochaines semaines, là, vous pouvez vous attendre Mais c'est ça, Nat, d'ailleurs, pour les capsules, est-ce que tu penses que c'est mieux, genre, si mettons, la personne qui va avoir la chronique, mettons, si mettons, c'est ta chronique, ben, il va avoir, mettons, la tune à David aussi, mais il pourrait-tu avoir comme, mettons, on pourrait comme garder des chansons, genre, mettons la chanson que tu voudrais présenter aux gens, là, que tu trouves qui est bonne. Fait que tu une toune? Aux gens. Comme on faisait avant avec des tounes? Mais tu sais, un peu comme sur le principe de « dis ce que tu veux », là. Ouais, ah ouais, non, genre, je pense que c'est une bonne idée, effectivement. Je trouve que ma toune est bonne, fait que je vais vous la montrer, mettons. Ouais, en fait, je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais, je trouve que ça a du potentiel. Ouais, ben c'est ça, parce que ça va faire pas comme ce qu'on faisait avant, que c'était tout moi qui choisissais les tunes. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu plus juste pour tout le monde. Puis quand ça va être la chronique à Oli, ben ça va être des tunes de Coucou Circus. Vive Coucou Circus. Ou ben elles non, sont bonnes des tunes de... C'est juste que... Ben, ouais. Ben ça dépend lesquelles. Les tunes d'opening d'émission... Ça dépend lesquelles. Des fois, il y en a qui sont super bonnes, puis je trouve même souvent que les tunes avant étaient meilleures que les tunes maintenant. Si mais c'est parce que c'est un rétro. Oh non. Si tu regardes genre la tune de, mettons, Mes Amis Ratons, Les Amis Ratons, la tune est vraiment bonne. Puis tu regardes, tu compares ça à genre l'opening de, je sais pas moi, Naruto, là. Je serai le meilleur. Ouais, bon, regarde, prends pas la version française. Je vais conquérir le monde, je serai le meilleur ninja. C'est full mauvais. Ouais, mais si tu prends, en revanche, mettons, l'opening des Amiratons puis le ending de Haruhi Suzumiya. Non, mais non, non, mais c'est parce que là, tu compares deux. Tu compares des pommes et des oranges. Je parle des éditions québécoises. Je pense que tu compares quand même des pommes et des oranges avec ces deux choses-là. Là. Ah, ouais. Moi aussi. Mais parce que l'opening de Naruto doit être incroyablement poche. Ah ouais. C'est mais mettons une autre raison. Émission québécoise qui joue maintenant pour enfants, là, c'est mauvais aussi là, la plupart du temps. Ouais, genre Ben 10. Ah, mais non, mais ça c'est une autre émission traduite. Une émission purement québécoise, quoi que les Amiratons. Ça existe plus. Encore. Je sais pas. Peu importe. Oui, les Amiratons, c'est pas québécois. Bon, je moi, je veux juste comme instaurer une nouvelle règle dans notre jeu du podcast pas préparé. Qui d'ailleurs, faudrait trouver un meilleur nom, mais ça, on en reparlera une autre fois. Mais pourquoi on veut pas en parler maintenant? De quoi? Ben, du nom du podcast. Ah non, parce que j'ai une très bonne idée avant. Okay. Une nouvelle règle, ok? Go. Ça, c'est une des règles qui m'est venue en écoutant le podcast de Paul and Storm talk about some stuff for 5 to 10 minutes. On average. Et puis, c'est de pas parler pendant 5 à 10 minutes. Non, mais leur règle, c'est que ils appellent ça le boring. Puis genre, quand il y en a un qui pense que l'autre est en train d'être plate. Boring. Ou que lui-même, ce qu'il est en train de dire, il se considère que ouais, ce que je suis en train de dire, c'est plate. Ben, il colle un boring. Bon, moi, je trouve ça poche d'utiliser boring, puis même d'utiliser plate, je trouve que c'est un peu plate. Fait que je dis qu'on devrait trouver un mot qu'on dit, genre, quand on devient plate. Comme ça, au moins, ça va être plus le fun pour tout le monde. Ça va nous mettre comme de la pression. Genre, pour être le fun. Ananas. Attends, quel mot qu'on pourrait utiliser qui serait cool? Ou un bruit, peut-être? Genre, pfff. Non, ça, c'est laid. Je sais pas, j'essaye de faire genre, un mot avec plate, mais... Mais genre, on pourrait faire... Non, mais ça va être drôle. Puis à chaque fois, ça va me faire rire, puis on va changer de sujet. Mais si c'est plate, il faut changer de sujet. Ah, j'avoue que c'est pas bête. Bon, maintenant, j'aimerais ça qu'on revienne à nos moutons, ou nos vaches molles, et non folles. Puis qu'on parle du nom du podcast. Le nom il du nous podcast. Reste quoi? Tu veux qu'on détermine le nom du ouais. podcast? Il nous reste 7 minutes pour trouver le nom du podcast pas préparé. Le nom du podcast pas préparé. Bon. Ouais. Alors, comme idée de départ, moi je lance Narf et David parlent de divers trucs pendant 5 à 10 minutes en moyenne. Mais il y a Lee aussi là-dedans, fait que c'est pas un bon truc. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que là, il y a juste moi pis toi, mais les prochaines fois, il va avoir Oli. C'est juste que Oli, là, il y a mais pas d'ailleurs, je trouve que si on préfère aussi des appels conférences à 4, j'imagine. À 4? Puis c'est genre, mettons, inviter le grand David ou n'importe qui, genre. C'est n'importe qui que ça y tente un peu de faire un podcast pas préparé, là. Je sais juste quoi pas dire. Si ça marche de faire des appels conférences à 4. Ou au pire, on sera deux sur le même micro, là. Ouais, on verra ça. Mais je suis pas contre l'idée d'inviter d'autres gens. Tu sais, tant qu'ils ont des parce que choses dans le fond, à dire. Le podcast pas préparé, l'important, c'est qu'on en fasse un chaque semaine, pis ceux qui ont pas le temps, ben, tant tout pis pour eux. Bad. Fait que si moi, une semaine, j'ai pas le temps, ben, tu feras le podcast avec Oli, pis Grand David, ou whatever. Il y a Blob aussi, que ça y tentait. Ah ouais? Ouais, ben, me semble. Fait qu'on pourrait appeler ça, genre... Le Oli, David, Narf et compagnie parlent de divers trucs pendant 5 à 10 minutes. Non, mais on le problème ça, c'est... genre... Oh non, le mais... Le podcast des amis... Étant donné que notre concept, c'est genre 15 minutes jusqu'à temps que le micro-ondes de la mort sonne, on pourrait pas on faire genre... On pourrait appeler ça genre 15 minutes chrono. 15 minutes chrono, genre comme l'émission. Comme l'émission. Non, mais je pensais, genre, mettons, comme, en attendant l'apocalypse. Oh. Fait que donc, mais ça en attendant l'apocalypse, en attendant on parle de divers trucs pendant 15 minutes. Non, mais juste, le titre, ça serait juste, en attendant l'apocalypse. Mais ça ressemble un petit peu à en attendant Ben Laden. Je trouve qu'on pourrait avoir comme un meilleur titre que ça. J'avais vraiment pas pensé à ça, parce moi. Que ça y ressemble un peu. Ouais. Ben, je sais pas. Moi, je m'en fous que ça ressemble à un antenne Madeleine parce que je Ben, l'ai je même pas m'en fous, pensé. sauf que les gens, ils vont faire « Ah, nanana, vous êtes des fans de Jean-René Dufort. Ah ouais, tu penses que » les gens vont faire le lien? Y a personne qui écoutait Ouais. ça en attendant Ben Laden. Oui, c'était cool. Y a personne qui écoutait Ah ça. ouais, c'était cool. Oui, mais Je y me a rappelle personne plus qui écoutait ça pourquoi, je me pareil. rappelle plus pourquoi c'était cool, mais je me rappelle que ça l'était. Juste pour les inventions, ben les expériences de Jean-René Dufort, Ouais, là, c'était hot. ça j'avoue que c'était très hot. Genre, je pense qu'à un moment donné, il a essayé de faire marcher une sécheuse avec des batteries à patates, là. Oh, ça je me rappelle pas de ça. Je me souviens qu'il avait mis Là, il a du dit savon que... dans le Non, mais micro-ondes pis ça faisait de la mousse. il a dit que c'était impossible parce qu'il aurait fallu qu'il en branche genre 2000 en série, là. Pour La faire une prochaine brassée mission de de 2 Brigade minutes. SNW, brancher 2000 patates en série. Alors, on devrait faire des expériences. Bon, fait que est-ce que t'as-tu un meilleur nom d'abord? Ben, on pourrait appeler ça genre 15, 15? 14, Ah. 13, 12, 11, 10, Non, c'est trop long 9, comme titre. 8, 7, Est-ce que ça veut dire que c'est le temps 6, qui reste que t'es en train de me 5, dire là? 4, 3, 2, Youhou. 1, bonne année! Ça fait un peu long comme titre. Ah ouais. Puis moi je le trouve plate. Ah Mouh. oh, oui, mou, on a dit mou. On pourrait appeler ça aussi maudit micro-ondes, pourquoi tu sonnes pas, j'ai envie d'éternuer. D'éternuer. Et c'est absolument pas parce que j'ai envie d'éternuer puis que je veux pas comme éternuer en ondes. Est-ce que t'as vraiment envie d'éternuer maintenant? Oh, mais ça. Ben, tasse-toi pis éternue. Mais c'est parce que j'ai surtout envie de me moucher en fait. Ah. Ben, on pourrait faire un problème technique comme dans Radio Enfer. Ok, fais le problème technique, puis moi, genre, je vais me moucher. Ok. Qu'est-ce que j'entends là? Oh, Pourquoi t'as-tu ton problème raccroché? technique assez long? Oh mon Dieu, David a raccroché. Allô? Je vais essayer de le rappeler. Parce que là, c'est ça l'affaire, c'est qu'on est par téléphone, fait qu'il faut comme se rappeler. Parce que là, on est chacun de notre bord. Puis là, ben, je vais essayer de dire de me rappeler ou lui qui me rappelle. Hi, c'est problématique notre technique. Bon, là j'ai Donc, c'était perdu quoi son l'âge, je vais essayer de le numéro? rappeler Ta-ta-ta. parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe et je me demande qu'est-ce qui se demande en ce moment. C'est assez 1, 1, cocasse. 3. Bon, Ça n'appelez-en. sonne. Oh. Yo! Allô? Hey, on se retrouve! Ouais, j'ai comme expliqué aux gens qu'on s'était perdu. Ah, mais moi aussi j'expliquais ça, fait que ça va Pour faire comme vrai? les deux en même temps. Ça va être cool. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, ça va faire Je peux... bizarre en maudit, hein. Mais au pire, t'en mettras un à gauche puis un à droite, genre. Ah, peut-être. Au montage. Mais On a dit au qu'on faisait pas de montage. Ouais, montage. mais juste pour cette section-là, genre tasser les petites affaires à gauche ou à droite. Ok. C'est pas comme si on allait couper. Ouais, ok. Ça va être cacophonique. Ben, c'est ça, là. Parmi toutes les autres règles qu'on s'était données dans les podcasts pas préparés, c'était Pas de montage. pas de montage, 15 minutes, puis quand on est plate, on Sauf dit mou. que... Sauf que on a eu des vrais problèmes techniques, ça veut dire. Ouais, hein. Parce que moi, j'ai Cool. commencé à faire du tch-tch dans le téléphone, dans mon micro aussi en même temps. Mais, ouais. C'est Cas, weird. fait que il nous reste 1 minute top chrono pour trouver un titre. Ben moi, j'aimais bien en attendant l'apocalypse. Ou quelque chose qui aurait rapport avec la fin du monde ou Ouais. l'apocalypse. La fin du monde est dans 15 minutes. Ah, oh, ça, le monde, ils vont catcher que c'est une joke. Ouais, Avec mais la ça fin peut du en monde est à être 7 une. heures. Moi, je dis que vu qu'on n'a pas trouvé de meilleur titre, c'est mon titre qui gagne. Tellement pas, il nous reste encore 42 secondes. Oh, c'est un beau chiffre, ça. On a-tu le temps d'expliquer pourquoi 42 est un beau chiffre? On l'a déjà expliqué 1000 fois. On l'a déjà expliqué 1000 fois, je pense Ah pas, ouais. hein? Mais en fait, moi, je pense que non. Ah, Va ta falloir, gueule, ok. on se T'as gardera juste ça trouvé pour un un prochain. titre. Ouais. Bon. Trouver un autre titre. On aurait dû tellement faire ça avant, parce que là, je pense qu'on est mou. Tu penses qu'on est mou? Je pense qu'on est mou là, pendant qu'on est en train de faire ça. Ouais, ok. Ben, anyway... Oh non! Je viens d'entendre le micro-ondes de l'apocalypse. C'est le micro-ondes de la mort, en plus. Le micro-ondes de la mort. Bon, ouais, ben... Là, on a une minute pour conclure. Fait que là, il nous reste une minute pour conclure, parce que si on dépasse une minute, ça va couper sec en maudit. Ouais. Ben, on pourrait appeler ça juste comme « En attendant le micro-ondes de la mort ». Ben non, mais ça va être la même affaire qu'en attendant l'apocalypse. Ouais, mais j'aime mieux le micro-ondes de la mort que l'apocalypse. Ça va couper sec en maudit. Fait qu'on termine ça, ouais. J'imagine. Ben, je sais pas, comment est-ce qu'on termine ça? Ben, je termine en disant que c'était Narf et... David. Qui termine le podcast pas préparé en, qu'on va y trouver en attendant un meilleur nom. L'apocalypse. Parce qu'on attend l'apocalypse et l'apocalypse va arriver, alors... Bye bye. Bye bye.